Les victimes d'amour par Hector Malot. Tome 2e, Les époux. Chapitre 1er, Jour de promesse. À Monsieur le professeur Carbonneau, membre de l'Académie de médecine, Paris. Plorac, le 20 septembre. Vous avez sans doute, mon cher ami, reçu le petit mot que je vous écrivais il y a 8 jours pour vous aviser de ma prochaine arrivée à Paris. Mon intention, comme je vous l'annonçais, était de partir d'ici vers le 1er novembre. Mais un grand malheur qui vient de nous frapper me force à avancer l'époque de notre voyage et en même temps à réclamer un service de votre vieille et solide amitié. Vous savez qu'il y a 10 jours, j'ai marié ma petite fille Armande. Ce n'est point un mariage d'argent que j'ai cherché. Maurice, mon gendre, est le fils de notre ancienne directrice de la Poste aux Lettres, une très digne et très excellente femme que j'aimais de grand cœur, et il n'a point de fortune. Armande, ma petite fille, n'a absolument rien à attendre. Les embarras et les chagrins exceptés, de son père, M. de Kergomar, qui, depuis qu'on l'a chassé de l'armée, n'a fait que des dettes, des escroqueries et mieux encore. Ce n'est point davantage un mariage de convenance. Maurice est un jeune musicien dont le nom est peut-être venu jusqu'à vous, mais sa position présente est celle que les artistes résument dans ce mot qui leur paraît à eux, concluant comme 1 million, des espérances et encore des espérances. C'est un mariage d'amour. Les enfants sont tous deux pleins de jeunesse et de beauté. Ils s'adoraient. Je les aimais trop pour les tourmenter. Je les ai unis. La question d'argent, je l'ai tranchée en les faisant mes héritiers, et la question de position en leur assurant tout de suite 4 000 francs de rente. Si Maurice n'arrive point à avoir du talent, il aura un jour 12 ou 15 000 francs de revenus, et avec ça il est permis d'être artiste, je pense. Tout me paraissait donc réuni pour leur assurer une vie heureuse et tranquille, lorsque le malheur est venu s'abattre sur nous la nuit même de leur mariage. Un jeune homme de 18 ans, Audrenne de Tréfléant, frère de M. de Tréfléant, cet ancien officier de marine de qui je vous ai souvent parlé, s'est jeté à la mer. Sans qu'aucun de nous en eût soupçon, il aimait Armande. C'était un garçon d'une nature fière et jalouse. Ce mariage l'a désespéré. Le soir de la noce, il a disparu. Ce qu'il y a de plus horrible encore dans cette horrible catastrophe, c'est qu'Armande et son mari, se promenant sur la plage, ont retrouvé le cadavre. L'enterrement a eu lieu ce matin. Armande aimait ce pauvre garçon comme un frère. Pendant 4 ans, ils avaient vécu de la même vie, jouant, s'instruisant, grandissant ensemble. Ce suicide et les circonstances qui l'accompagnaient ont causé à la malheureuse enfant une crise nerveuse qui m'inquiète et que je ne veux pas laisser se prolonger. Avant ce funeste événement, j'avais le désir de garder mes enfants encore 5 ou 6 semaines en Bretagne. En agissant ainsi, je pensais un peu à moi, à la solitude à laquelle je ne suis plus habitué depuis 4 ans et qui va me paraître bien lourde. Mais je pensais aussi à eux, surtout à eux, jeunes mariés. Depuis quelque temps, nous avons emprunté à l'hypocrite Angleterre la coutume, à mon sens grossière et brutale, qui, la cérémonie à peine terminée, pousse les 2 époux en chemin de fer ou en chaise de poste et les livres aux cloisons peu closes des chambres d'auberge. C'est là une affectation de pudeur qui ne pouvait venir qu'à des puritains ou à des libertins. Pour des cœurs honnêtes, les noces ne prêtent ni à rire ni à rougir. Au lieu de gaspiller ses souvenirs au hasard des grandes routes, on doit les amasser et conserver précieusement le plus petit meuble, le moindre objet qui les fixe et qui plus tard les évoque. Riche, j'aurais acheté la maison où j'ai passé ma première nuit de mariage. Et si maintenant elle n'était point détruite, je m'y installerais pour y mourir. On ne sait pas combien, lorsqu'on est entraîné par la vie, une heure de recueillement dans la chambre qui garde le parfum des jours heureux peut donner de force ou d'indulgence. C'était cette chambre, ce sanctuaire que je voulais créer à mes enfants. C'était la coutume anglaise, qui exaspère mes vieilles idées, que je voulais leur éviter. Maintenant je dois courir au plus pressé, c'est-à-dire arracher Armande à ce pays où tout lui parle de notre pauvre Audrenne. Je dois l'occuper, la distraire, et dans cette tâche, mon ami, j'ai pensé que vous voudriez bien m'aider. Mon projet est simple, la conduire à Paris et lui donner les tracas et les fatigues d'une installation. Pour cela, il me faut avant tout un logement. Voulez-vous nous en trouver un? Sans doute, à notre arrivée, nous pourrions nous-mêmes faire notre recherche. Mais combien d'ennuis pour ma chère petite! Et puis je ne serai pas libre. Je devrais accepter la direction de Maurice qui connaît Paris beaucoup mieux que moi. Et quoique ce logement soit pour eux seuls, je veux pouvoir le choisir en vertu de certaines idées, sans contrôle, sans discussion, sans influence étrangère. Pour moi, l'habitation a une importance souvent décisive dans notre vie. C'est elle qui, pour beaucoup, fait les habitudes, et les habitudes font la destinée. Vous savez ce qu'a dit le divin Hippocrate sur l'exposition de l'Orient qui rend le caractère vif et gai. Qu'on se plaise chez soi et on y reste, sans songer à d'autres distractions qu'à celles que donnent la famille et le travail. C'est en partant de ces principes, qui sont aussi les vôtres, que les recherches doivent être dirigées. Demeurer dans le centre de Paris, pour eux, cela est inutile. Il leur faut une petite maison et un jardin, dans un de ces quartiers où la foule et le mouvement n'ont point encore pénétré, quelque part vers Passy ou Auteuil. Je ne sais trop si j'indique bien. Ce à quoi je tiens avant tout, c'est à la vue. Nous autres, vieux, nous aimons les horizons bornés, où nous avons le calme et le recueillement. Aux jeunes, il faut les horizons infinis comme leurs désirs. D'ailleurs, dans votre Paris empesté, avoir la vue, n'est-ce point avoir la respiration? Je ne veux point que mon Armande s'emplisse les poumons des émanations de vos ruisseaux. Quand vous la connaîtrez, elle, si fraîche et si mignonne, vous verrez, mon ami, quel meurtre ce serait. Ne trouvez point, je vous en prie, toutes ces recommandations périles. C'est un vieux bonhomme qui ne vit plus que par son enfant qui vous les adresse. Songez qu'elle n'a que moi pour veiller sur elle. Et son mari allait vous dire, j'entends. Son mari est un brave garçon que j'ai élevé, que j'aime comme un fils. C'est un excellent cœur, un esprit charmant. Mais il ne se doute pas de ce que c'est que la vie matérielle. Mais il est artiste, et les goûts aventureux que possèdent généralement ces messieurs, je crois qu'il les réunit tous en lui. Mais il est enthousiaste, mobile, passionné. C'est plus qu'il n'en faut pour justifier les précautions qui tendent surtout à l'empêcher de regarder au-delà du cercle tracé par la famille et la maison. D'ailleurs, ces précautions sont avec lui plus nécessaires encore qu'avec tout autre, car ce que je sais de son passé n'est point fait pour me rassurer sur son avenir. Quelques années avant qu'il aime à ma fille, une femme, moitié grande dame, moitié aventurière, lui inspirait une de ces passions qui trop souvent sèchent le cœur et abaissent le caractère. Elle l'avait pris non pour se refaire une virginité, comme dit le poète, mais pour se refaire une jeunesse et se redonner des sensations qu'elle ne pouvait plus trouver en elle. Pendant longtemps, trop longtemps, elle a fait de lui son esclave, son patient, sa chose, un souffre-douleur ou un souffre-plaisir. Elle a opéré sur lui à peu près comme dans la transfusion du sang, nous opérons sur un sujet vigoureux au profit d'un sujet épuisé. Comment est-il sorti de cette épreuve? N'a-t-il donné à cette femme que ce qu'il y avait de trop en lui, jeune et plein de force? N'a-t-il pris rien de ce qu'il y avait de trop en elle, façonné par le monde et la vie? N'a-t-il perdu que des illusions? N'a-t-il gagné que de l'expérience? Voilà ce qui m'inquiète. Et ce qui peut-être m'eût empêché de lui accorder ma fille si j'avais su la vérité telle que je la sais maintenant. Aujourd'hui qu'il n'est plus temps de revenir sur ce point, je veux au moins ne rien négliger pour assurer autant qu'il est en moi le bonheur de ma chère enfant. Souvent, quand j'étais ce qu'on appelait le meilleur médecin de Brest, j'ai visité des navires partant pour ces stations lointaines qui les gardent 2 ou 3 ans, les mers du Sud, les côtes d'Afrique, la Plata, nos îles de l'Océanie, et j'ai toujours été frappé des soins que l'on prenait en vue d'éventualités possibles à la rigueur, en réalité très peu probables. Souvent aussi, j'ai vu des époux s'embarquer sur une mer autrement fertile en danger que l'océan, celle du mariage, et presque jamais, ils n'étaient émus d'autre crainte que de savoir s'ils étaient bien enrubannés, bien enguirlandés. Je ne blâme ni les rubans ni les guirlandes, je veux au contraire en couvrir mes enfants. Mais pour eux, à leur insu, je veux encore, je veux surtout, prendre ces précautions que j'admirais à l'arsenal. Je n'espère point, mon bon ami, que vous quitterez vos occupations pour vous livrer à cette course au logement. Vous devez avoir auprès de vous quelque jeune homme intelligent, quelque secrétaire dévoué, qui, guidé par ces instructions que j'esquisse ici et par vos conseils, réalisera parfaitement ce que je demande. C'est sur lui que je compte. Ma lettre vous arrivera après-demain. Nous serons à Paris, nous qui irons moins vite, dans 5 ou 6 jours. À peine débarqué, j'irai vous prendre pour que vous me conduisiez. Si je fuis certains conseils, je réclame absolument les vôtres. En me relisant, je vois que je vous ai dit bien des choses inutiles. Il faut me pardonner, j'ai la tête un peu troublée, et que j'ai oublié le point principal. Vous pouvez mettre au loyer 1200 francs. Je suis le payeur. À bientôt, et agréez d'avance les remerciements de votre vieil ami V. Michon. Le docteur Carbonneau aimait M. Michon, comme on aime, quand on l'aime, l'homme qui vous a servi de point d'appui pour escalader la vie. C'était M. Michon qui l'avait tiré de son village, l'avait dirigé dans ses premières études. Plus tard, l'avait pris pour interne et l'avait envoyé à Paris, où il avait payé ses examens et ses thèses. Si aujourd'hui il était chef de service, professeur de la faculté, membre de l'Académie de médecine, médecin d'une nombreuse et riche clientèle, il avait le bon cœur et le bon esprit de ne pas oublier à qui il le devait. Cette lettre l'émut et l'inquiéta. Et quoi ? Celui qu'il avait vu si calme au milieu des plus terribles douleurs, si plein de sang-froid dans les plus graves opérations, s'était laissé assaillir par de vagues craintes. Le philosophe sceptique admettait un présage. Il en était troublé, il en avait peur. Une trop vive tendresse abattait donc les plus forts. Son temps était trop rigoureusement mesuré pour qu'il examinât à loisir cette question et décida si l'homme qui veut rester maître de lui, ferme dans sa raison, inflexible dans sa ligne de conduite, doit, oui ou non, se priver de famille, d'amis, de maîtresse, de tous ses prétextes à l'amour et à dévouement. Ce qu'on lui demandait, c'était quelque chose de matériel, de positif, un logement. Il en fit chercher, alla visiter lui-même ce qu'on lui désigna et attendit. 5 minutes d'entretien lui apprendraient mieux que les plus laborieuses inductions le vrai de cette lettre. Au jour dit, M. Michon arriva. « Eh bien, s'écria-t-il en entrant et tenant entre les siennes les mains de Carbonneau, ce logement. J'ai votre affaire, du moins je le crois, et votre fille, et vous-même. Le calme est revenu. Je vous ai paru bien bonhomme, n'est-il pas vrai? Quand le bonheur de ceux que j'aime est en jeu, j'en deviens bête. Vous vous rappelez cet anévrisme que j'ai ouvert croyant crever un abcès? Vous étiez tous tremblants. J'ai placé mon doigt sur l'artère ouverte. J'ai regardé le patient en souriant. J'ai demandé une bande. Vous avez tous déclaré mon sang-froid admirable. Eh bien, ce jour-là précisément, en rentrant, j'ai trouvé ma femme qui s'était coupé le doigt. Elle était très pâle. Je suis devenu tout aussi pâle qu'elle. J'ai eu tout autant de peur. Et c'est à peine si, au bout d'un quart d'heure, j'étais parvenu à fermer sa méchante égratignure. Général d'une armée dans laquelle aurait servi mon fils, je n'aurais jamais osé livrer bataille. Après tout, dans ce suicide, il y avait de quoi affecter un plus stoïque que moi. Juste le soir même du mariage. Quel augure pour un esprit prompt à s'alarmer. Par bonheur, cette crise nerveuse dont je vous parlais ne s'est point aggravée, quoique les adieux aient été pleins de larmes et de déchirements. C'est un bon médecin que le voyage, et ce sont de fameux remèdes, pour la souffrance morale, que les côtes qu'on monte à pied, les descentes où l'on a peur, les effets de lune par une belle nuit d'automne, les campagnes qui changent, les villes qu'on traverse, et tous les enchantements d'une route inconnue. L'enfant ouvrait les yeux, c'est la curiosité qui a commencé à sécher ses larmes. Nous avons fait le reste, moi, Maurice et Martel. C'est un ami de Maurice, un peintre, Aristide Martel. Je le connais, mais allons voir votre logement. Il y a quelques années, Chaillot, sans être resté le petit village campagnard dont parle l'abbé Prévost, n'était point encore la ville d'asphalte et de pierre qu'on voit aujourd'hui. Derrière les maisons assez chétives qui bordaient comme un mur sa principale rue, il y avait des jardins avec de vrais arbres dans de la vraie terre. C'était dans un de ces jardins qu'était situé le pavillon où Carbonneau conduisit M. Michon. Par un heureux hasard, la plupart des conditions assez difficiles qu'il exigeait étaient réalisées. Sans perdre une minute, il courut chercher Armand et Maurice. Il avait hâte de le leur faire visiter et surtout accepter. Adossé à une maison qui avait sa façade sur une cour intérieure, ce pavillon regardait le midi. Il était coquettement peint en blanc, avec les portes et les volets d'une teinte tirant sur le gris. Une galerie régnait tout autour, elle était supportée par des colonnes enguirlandées de rosiers et de glycines, et formait abri au rez-de-chaussée, balcon au premier étage. En descendant un perron de 3 marches, on était dans un jardin plus long que large, qui, entre des lilas et des lauriers, allait jusqu'à un petit mur à balustres, laissant de ce côté la vue libre sur la Seine. Sur une pelouse ovale, il y avait 2 corbeilles de rosiers, un bassin avec des plantes aquatiques et un petit monticule qui avait eu autrefois la prétention d'être un rocher, mais qui, aujourd'hui envahi par les lierres et les pervenches, n'était plus heureusement qu'une cascade de verdure sombre. Un jet d'eau s'élançait du bassin et allait mouiller le dessous des feuilles d'un catalpa trapu. « Montons, » dit M. Michon, quand on eut visité le jardin et le rez-de-chaussée. Ils montèrent, et en ouvrant une des fenêtres qui donnait sur le balcon, ils s'arrêtèrent surpris, curieux, émerveillés. Paris, sans limite précise, s'étalait devant eux, confusément, sous les obliques rayons du soleil qui déjà s'abaissaient. de cette mer aux vagues ardoisées et rougeâtres émergeait, en se coupant sur un fond vaporeux, des tours, des aiguilles, des colonnes et des dômes. Au premier regard, tout leur parut tumultueux, entassé, confondu. Mais bientôt l'ordre se fit, et jusqu'à l'horizon que fermaient des coteaux indécis et brumeux, chaque monument prit sa place, se mit à son plan, dessina son caractère. La ville travaillait. Un formidable ronflement emplissait l'air, et les hautes cheminées lançaient à pleine gueule des panaches noirâtres. Des nuages de fumée se formaient et se traînaient lourdement en se déchiquetant aux toitures les plus élevées, aux coupoles, aux croix dorées, qui, frappées par le soleil, flamboyaient. Le vent, qui soufflait du sud, les poussait lentement, les entassait contre les hauteurs de Belleville et de Montmartre. Ils s'y brisaient, et par les deux vallons que creusent les plaines de Batignolles et de la Chapelle, ils s'échappaient divisés. Pour se reposer de cet éblouissement, l'œil n'avait qu'à s'abaisser un peu. Il rencontrait les cimes des roussis, des arbres, des Champs-Élysées. La Seine avec ses quais de verdure ondoyante. Et en se tournant un peu à droite par-dessus, la nappe lumineuse de la rivière, les coteaux de Meudon qui envoyaient à l'esprit des senteurs de campagne et de forêt. « Que c'est beau !» s'écria Armande. « Quelle grandeur ! C'est aussi splendide que la mer. Le cœur me bat. Il me semble que j'ai peur. » Frissonnante, elle se pressa contre Maurice. « Oui, » continua M. Michon, « c'est là une vue qui pourrait occuper et peupler la solitude d'un prisonnier ou d'une délaissée. Carbonneau a bien choisi. Notez que tout se trouve à peu près réuni. La maison est gentille, commodément disposée. Le jardin n'est point au fond de quatre murailles formant puits. On y sent bien tout de même un peu renfermé, mais il paraît que c'est ainsi dans tous les jardins de Paris. Enfin, vous êtes à l'ouest de la ville, ce qui n'est point dédaigné, comme me l'a fait observer Carbonneau. Attendu que les vents les plus fréquents étant ceux du sud et de l'ouest, l'air vous arrivera de la campagne pure et salubre, sans avoir auparavant ramassé toutes les poussières, charrié toutes les fumées. Avec quelques 1000 francs de bons meubles et de simples travaux d'appropriation, je crois que vous serez bien, et j'espère que dans 15 jours je pourrai repartir. » À ce mot « partir », Armande et Maurice en même temps firent un geste. Sans se laisser interrompre, il continua. « Mes enfants, je vous aime pour vous, non pour moi. Je réfléchis et raisonne. Sans doute, à n'écouter que mon cœur, je resterai. Je resterai toujours. Ce serait une sottise. Il ne faut pas qu'il y ait entre deux époux un tiers, que chacun, à tour de rôle, puisse invoquer comme conseil et plus tard comme juge. Ce sont les tiers qui brouillent les amis et les amants, parce qu'avec eux, interviennent l'amour-propre et l'entêtement. Il ne faut pas non plus que vous me fassiez aujourd'hui, par pure condescendance, des concessions que vous regretteriez demain. Il vaut mieux que tout de suite vous preniez l'habitude de n'agir que l'un après l'autre et que l'un pour l'autre. C'est dans les premiers jours qu'une femme gagne le cœur de son mari et qu'un mari s'empare de l'esprit de sa femme. Pour cela, il faut une liberté absolue dans les grandes comme dans les petites choses, liberté d'épanchement, de soumission, d'autorité. Moi parti, vous n'aurez d'autres soucis, toi Maurice, que d'étudier Armande, toi Armande, que de plaire à Maurice. Et dans votre cœur, vous trouverez des inspirations autrement fécondantes que toutes celles que mon expérience ou ma raison pourraient vous suggérer. La voiture qu'il ramenait traversait en ce moment les Champs-Élysées. Les équipages encombraient la chaussée, et sur les trottoirs, les promeneurs en deux courants contraires piétinaient. « Ce n'est pas au moins pour ce monde que je vous laisse, » continua M. Michon en montrant la foule d'un geste énergique. « De lui, je serai jaloux. En cela, comme en bien d'autres idées, je suis du XVIIIe siècle et je crois la société mauvaise, envieuse, et plus que tout encore pernicieuse par les exemples qu'elle offre. Je pars pour que vous viviez chez vous, sans sacrifier votre repos et vos goûts à ce qu'on appelle les exigences sociales. Maurice est artiste, il n'est point médecin, avocat, notaire. Restez donc ensemble. Ne regardez ni autour ni au-dessus de vous. N'écoutez point les railleries. N'écoutez point surtout les flatteries et du diable. Si ainsi bien serré et bien pelotonné, le malheur, même aidé du temps, pourra mordre sur vous. » Ainsi qu'il l'avait annoncé, M. Michon repartit pour Plorat 15 jours après cet entretien. Moralement et matériellement, par les conseils qu'il avait donnés et par les précautions qu'il avait prises, il avait fait pour eux tout ce qui était en son pouvoir. Ils étaient heureux. Pourquoi ne le serait-il pas toujours? Les rêves qu'autrefois en arrière l'un de l'autre, mais pensant l'un à l'autre, ils avaient caressé, se réalisaient. Les promesses qu'ils s'étaient faites s'effectuaient, et aussi les projets qu'ils avaient conçus. Depuis qu'ils étaient mariés, chaque jour avait son éclosion, chaque heure avait sa nouvelle découverte. Maurice était arrivé au mariage, brisé, découragé, doutant de lui, des autres, de la femme, surtout de l'amour. Aussi, en se sentant entraîné malgré lui à une nouvelle passion, avait-il craintivement interrogé chacun des plaisirs que cette passion lui donnait, les pesant avec ses souvenirs, les éprouvant avec la pierre de touche que l'expérience l'avait mise aux mains, il les avait étudiés, analysés. La clairvoyance qu'imposent les douleurs du passé les lui avait fait fouiller dans leur nature, l'inquiétude de l'avenir les lui avait fait sonder dans leur solidité. Analyse, étude, angoisse, l'avaient tout amené à la même conclusion, jamais il n'avait été si heureux. Était-ce au temps où, honteux de son innocent enthousiasme, il n'osait lever les yeux sur la femme qu'il adorait? Était-ce plus tard, lorsque devenu l'amant, ou plus justement la maîtresse de cette femme, il abdiquait sa personnalité et sa dignité? Était-ce encore, lorsque n'ayant plus rien à prendre en lui, comme un mauvais roman, qu'on vient de finir, comme un bouquet dont on aspirait tout le parfum, elle l'avait abandonné sans souci et sans regret? Elle était belle, Marguerite, mais d'une beauté combien différente de celle d'Armande, ardente, arrogante, déjà fatiguée, non sympathique, pénétrante, virginale, et par l'esprit, le cœur, combien Armande l'emportait. Elle était la vraie femme de l'artiste, simple, dévouée, intelligente, elle croyait en lui. Elle avait foi en son talent, en son avenir, elle l'aiderait, elle l'encouragerait, elle l'admirerait. Elle le débarrasserait des tracas de la vie matérielle. Jusqu'à la mort, elle serait l'inspiratrice des heureux jours, la consolation des mauvais. Armande, de son côté, ne s'enfonçait point dans ses calculs d'un esprit éprouvé par la passion. Elle aimait Maurice simplement. Pour elle, il était à la fois l'amour, l'amant, la famille. Aimé par lui, il lui semblait que son intelligence était ouverte et agrandie, que ses sensations s'étaient accrues, qu'on l'avait initié au mystère de la vie. Devant sa glace, se regardant, elle se trouvait embellie, et au fond du cœur, jusque dans les fibres les plus déliées de son être, elle ressentait une joie profonde, infinie, la plus grande qui soit pour les femmes, celle qui les exalte, les transfigure, qui leur fait braver le dédain du monde, le juste mépris d'un enfant, l'emprisonnement du cloître, la joie de se donner. Ils étaient si bien remplis mutuellement des sentiments de leur amour et de leur bonheur, qu'ils n'étaient sensibles qu'à ce qui s'appliquait à la consommation immédiate de cet amour. Les généreuses attentions de leur grand-père les avaient touchés, mais sans remuer fortement leur cœur. Son départ les attrista, il ne les arracha point à eux-mêmes. « Pauvre père, » dit Armande, revenant du chemin de fer où elle l'avait conduit, « comme il va être seul. » Et elle s'endormit les larmes dans les yeux, mais le lendemain elle se réveilla souriante sous le regard de Maurice qui la contemplait. Ils voulurent déjeuner dans leur chambre. Un feu clair fut allumé dans la cheminée. On leur apporta une petite table ronde toute servie comme au théâtre, et les doubles rideaux étant tirés, le soleil pénétra par la fenêtre. Ils s'assirent gaiement en face l'un de l'autre, et Armande, entrant dans son rôle de maîtresse de maison, prit devant elle un pâté qu'elle se mit à ouvrir. Les deux coudes appuyés sur la table, le menton posé entre ses mains, Maurice la regardait. Elle avait revêtu un peignoir gris-perle avec des revers en soie, qu'une torsade serrait à la taille en trois ou quatre larges plis. Elle était charmante, les yeux encore ensommeillés, l'attitude un peu molle et languissante. « Eh bien, » fit-elle, tendant une assiette à Maurice, « tu ne veux donc pas manger ?» À ce moment, leurs regards se rencontrèrent. Sans répondre, il se leva, et traînant vivement son fauteuil, il l'approcha de celui d'Armande. Elle voulut s'échapper, il la retint. À la fin du déjeuner, elle était assise sur ses genoux, et tous deux en même temps, ils mordaient à la même poire. Ce fut seulement deux jours après le départ de M. Michon qu'ils songèrent à sortir. Quelles caresses, quelles ivresses pendant ces deux jours, quels cris et quels rires! Marie-Ange, leur femme de chambre, qu'ils avaient amenée de Plorac, ne reconnaissait plus mademoiselle, autrefois si grave et si sage. Les portes s'ouvraient avec fracas, la rampe de l'escalier, rudement secouée, tremblait sur ses tiges de fer. Par les chambres, par les corridors, par les allées du jardin, ils couraient, se poursuivaient l'un l'autre, jusqu'au moment où Armande, à bout d'haleine, les cheveux épars sur les épaules, le rire étranglé dans la gorge, se laissait tomber sur le tapis. Il se couchait près d'elle, il ne disait rien, Il se souriait. Armande, oppressée et haletante, était rouge comme une cerise. Et avec des longues aspirations, elle tâchait de respirer en se tenant le cœur à deux mains. Puis, quand elle était un peu calmée, elle jetait ses bras autour du cou de Maurice. Ou bien, gravement, à pas lents, ils parcouraient leur maison. « Toi qui as été dans le monde, » disait-elle, « tu m'apprendras à ranger notre salon. Il me semble que comme il est là, on devine trop le tapissier. À quoi bon, puisque nous ne recevrons personne ?» Un matin, en s'éveillant, ils décidèrent d'aller se promener. Après le déjeuner, elle se mit à sa toilette. Il voulut l'aider. Les jeux, les baisers, les rires, les caresses recommencèrent. 3 heures après avoir dénoué ses cheveux, elle n'avait encore qu'une seule tresse de refaite. Elle le poussa à la porte et se verrouilla. L'automne était beau, chaud dans la journée, doux les matins et les soirs avec parfois un peu de brouillard. Ils purent faire de longues promenades dans Paris et dans les jolis villages des environs, à Sceaux, à Nogent, dans les bois de Marly, de Saint-Germain, où déjà les chemins étaient remplis de feuilles mortes qui craquaient sous les pieds. Sur les boulevards, ils marchaient à petits pas, bien serrés l'un contre l'autre. Ils se redressaient fièrement. Élargissant la poitrine, la tête haute, il semblait dire aux passants « Comme elle est belle, n'est-ce pas ?» Il saisissait les regards qu'elle provoquait par sa grâce, et du fond du cœur des bouffées de joie et d'orgueil lui montaient aux lèvres. Lorsque le temps était douteux, ils visitaient le Louvre, les musées. Le soir, rentrés chez eux, dans leur chambre, au coin du feu, sous la lumière de la lampe, ils parlaient de leur journée. Ils revenaient sur ce qu'ils avaient vu. Elle interrogeait, il répondait, et lorsque, comme un enfant curieux, elle avait posé une de ces questions difficiles, un de ces pourquoi qui font hésiter, il allait prendre le livre où devait se trouver la réponse, et si par bonheur elle était claire et précise, il la lui lisait en la commentant. Le plus souvent, causant de l'art et des artistes, les livres étaient inutiles. Il parlait d'après ses études, d'après la tradition, d'après son impression propre, et comme elle l'écoutait et le comprenait avec son sentiment, il était tout surpris de l'entendre lui traduire ses leçons en les agrandissant. « Je suis le critique, disait-il, tu es le poète. » Il était fier de l'intelligence qu'il lui découvrait, et plus encore de sa manière de voir et de sentir. Il trouvait ses saillies originales et ses questions profondes. Son babil, tantôt timide, tantôt imprudemment hardi, l'amusait. Ses ignorances et ses méprises lui paraissaient charmantes. Elle avait 18 ans, elle était simple de caractère, droite de jugement. Élevée chez son grand-père, elle ne connaissait ni les pensions ni les couvents. Elle ne croyait point que son mari devait lui prouver son amour en faisant des dépenses proportionnées à la dot qu'il avait reçue. Elle ne s'imaginait point non plus que le mariage était uniquement institué pour permettre à la femme de satisfaire tous ses caprices d'affranchissement, de plaisir et de luxe. Et très naïvement, ses soirées au coin du feu lui paraissaient l'emploi de son temps le plus doux et aussi le plus utile. Elle croyait en Maurice. Elle avait de lui, de son mérite, de son avenir, des idées qui l'enorgueillissaient, mais qui plus encore l'effrayaient. Qu'était-elle à côté de lui? Qu'était son éducation? Qu'était son esprit? Pour lui plaire, ne devait-elle point tâcher de partager ses pensées, comme elle partageait sa vie? Pour son propre bonheur à elle-même, ne le devait-elle point encore? Pourquoi avec Martel avait-il un autre langage qu'avec elle? Ils avaient entre eux des mots, des tours, des formes de conversation qu'elle n'entendait point et qui la rendaient jalouse. Ah, il fallait qu'avec elle, il pût s'entretenir comme avec un ami. Aussi, comme elle le regardait et écoutait, lorsque dans la campagne, il lui montrait ces choses qu'elle avait si souvent vues et qu'elle ne connaissait pas. La profondeur des horizons, les jeux de la lumière, les harmonies du vent. Comme elle l'interrogeait dans leur promenade à travers Paris. Comme elle avait hâte le soir de venir autour de la table, s'asseoir dans sa chauffeuse. Comme elle aspirait ses paroles et s'en pénétrait. Il songea à travailler. Les artistes savent ce qu'elle a mis en train, quelles alternatives d'espérance et de découragement, de foi et de doute, d'élan et de lassitude, on traverse avant d'arriver à l'exécution, ce large et profond courant qui vous porte et vous entraîne. Il connaissait ces alternatives, et mieux que personne, il avait éprouvé combien il y a de semaines et de mois dans ce mot si fertile en promesses, en rêveries ou en excuses. Demain. Cette fois, avant de marcher devant lui sans repos et sans remise, il n'eut pas besoin de s'y reprendre à 50 résolutions. Son mariage avait pour lui supprimé ces nécessités besogneuses qui dévorent le temps, coupent net le travail et le divisent en 1000 rameaux, où tant bien que mal fructifie le pain de chaque jour, mais où ne s'épanouissent point les belles fleurs de la gloire. Sa vie matérielle était assurée. Il pouvait écouter et suivre l'inspiration. Condition plus heureuse encore, peut-être, ceux qui l'aimaient attendaient de grandes choses de son talent. Sa femme l'admirait, lui-même croyait en son avenir, et il le voulait, pour elle et pour lui, digne de leur bonheur présent, rayonnant et splendide. Jusqu'à ce jour, il n'avait publié que des mélodies, des concertos, quelques morceaux de musique de chambre, des symphonies. Ses œuvres, qui révélaient des dons heureux, lui avaient valu une certaine réputation auprès des délicats ou des curieux qui composent cette tête du public parisien à l'affût de toutes les nouveautés. Elle ne lui avait point conquis un nom. Il fallait faire franchir à cette réputation la distance qui s'étend, énorme et difficultueuse, entre le monde des artistes et le monde du vrai public. Ce nom à peine connu, il fallait, à grands coups de succès, l'enfoncer dans les yeux et dans la mémoire de la foule. Pour accomplir ce prodige, il comptait sur le théâtre. Mais comme il ne voulait point subir les rudes difficultés qui se dressent devant chaque débutant à la recherche d'un livret, il résolut de tirer de lui-même le poème et la musique. Il avait reçu une bonne éducation littéraire, il savait écrire, il savait faire les vers. Il choisit dans Shakespeare le drame de Cybéline, qui est un opéra tout fait, plein de situations tendres et puissantes où toutes les passions parlent et agissent. Il lui donna le nom d'Imogène, qui est celui de l'héroïne, et il se mit à l'œuvre. Le lien qui les unissait s'en trouva resserré, car sans les enlever l'un à l'autre, ce travail vint occuper les heures où Armande, pour ses devoirs de femme et de maîtresse de maison, devait le laisser seul. Aussitôt qu'elle avait mis en ordre sa chambre, ce qui était sa grande coquetterie, lorsqu'elle avait fait sa toilette, lorsqu'elle avait ordonné le dîner, elle allait vite le rejoindre. Avec mille précautions, elle ouvrait la porte. « Es-tu content, trouves-tu ? » disait-elle lorsqu'il levait les yeux. Et s'accoudant sur le piano, elle le priait de lire les vers qu'il venait d'écrire ou de jouer ce qu'il venait de composer. Les heures pour eux s'écoulaient si remplies que le soir les surprenait toujours. Ils n'avaient jamais réalisé les projets formés le matin. Il leur semblait qu'ils n'auraient jamais assez de temps pour leur bonheur, ni assez de mémoire pour leurs heureux souvenirs. Ils avaient bien d'autres affaires plus attrayantes que d'aller s'enfermer dans un théâtre sous les regards de la foule curieuse. Qu'y chercheraient-ils, d'ailleurs ? La gaieté ? Mais leur âme était bien trop profondément attendrie pour comprendre la charge ou la plaisanterie, la passion. Mais quel amour ne leur paraîtrait point froid ou faux en le comparant à celui qu'ils se sentaient au cœur ? Quel plaisir vaudrait pour eux leur causerie, leur jeu, leur lecture ? Leur ami Martel, une fois par semaine, venait rompre ce tête-à-tête, et pour lui seul, il se départait de la règle d'isolement que leur bonheur égoïste avait faite si rigoureuse. Martel, ce n'était personne, c'était un confident. Devant lui, on pouvait causer librement. Sa venue était plutôt une excitation qu'une entrave. Elle était un prétexte à fête, à surprise. Chacun mettait le nom de Martel en avant. Mais ce n'était pas précisément pour la plus grande joie de son ami que Maurice demandait à Armand d'une toilette plus soignée. Et ce n'était point non plus absolument pour son hôte que celle-ci voulait aider Marie-Ange et préparer elle-même un de ces plats d'entremets ou de dessert dont elle savait Maurice friand. Dans cet intérieur si étroitement fermé, Martel apportait les bruits du monde, les histoires de la semaine, mais c'était seulement pendant les premiers moments de son arrivée qu'on l'interrogeait et qu'on l'écoutait. « Ah ça, voyons, voulez-vous que je m'en aille ? » s'écria-t-il. « Comment ? Voilà une histoire charmante que je me conte à moi-même depuis un quart d'heure et vous êtes là, à vous faire des mines, à vous frôler les mains en prenant les assiettes, sans me dire que vous ne m'écoutez pas. » Le dîner achevé, on causait à cœur ouvert, on faisait des projets d'avenir, on se soumettait les brillants châteaux en Espagne, que l'amitié ou l'amour savent bâtir avec une si fertile facilité. À minuit, on se séparait. Par les Champs-Élysées, déserts, Martel s'en revenait chez lui et dès le bas de son escalier, il entendait son chien qui soufflait bruyamment sous la porte en étouffant des petits cris de joie. Travaillant continuellement, Maurice eut bientôt un ensemble présentable et avant d'aller plus loin, il voulut consulter Martel. Il avait en lui une confiance absolue. Plus d'une fois, il avait éprouvé son intelligence droite, son jugement hardi et sûr, et il savait que si sa parole était parfois franchement cruelle, elle était en même temps salutaire, comme le couteau du chirurgien. Donc, un soir, après dîner, on passa au salon, où les lampes et les bougies étaient allumées comme pour une fête, et Maurice se mit au piano. Martel écouta comme on écoute ses amis avec crainte et avec espérance. « Eh bien ?» fit timidement Maurice lorsqu'il eut fini. « Eh bien ?» fit orgueilleusement Armande en même temps. « Eh bien, je trouve ça original et neuf. Si le reste vaut ce commencement, nous aurons un splendide succès ou une chute éclatante, mais pas un de ces débuts honorables qui forcent de recommencer 10 fois. » Lorsqu'il fut seul avec Maurice, qui, ce jour-là, contrairement à la coutume, voulut le reconduire, il revint un peu sur cette première opinion. « Maintenant, nous pouvons nous expliquer franchement. Ta femme t'aime avec une telle exaltation que tantôt je n'ai pas voulu mêler la plus petite goutte de vinaigre au miel que je t'ai servi. Ta musique, elle l'a écoutée dans mes yeux, tâchant de surprendre mes sensations à mesure qu'elle naissait, et à 3 reprises, quand elle m'a pris à part, il a fallu lui jurer que c'était vraiment très beau. C'est mauvais ? Non. Je ne retire aucun de mes éloges, seulement j'y mêle une critique. Je trouve que tu as trop obéi à des préoccupations littéraires. À mon sens, la musique commence là où la littérature finit. Je n'admets donc point que la littérature complète la musique, au contraire. Tu sais aussi bien que moi qu'une expression n'est belle, qu'un effet n'est puissant qu'à la condition d'être rigoureusement vrai. Or, ce qui est vrai en musique, je parle de l'exécution, n'est pas vrai en peinture, ni en littérature, ni en philosophie. Garde-toi donc du symbole. Garde-toi, surtout, garde-toi de l'esprit critique. Je sais qu'en allant de ce côté, tu as cédé à un besoin de trouver du neuf. Et c'est justement contre ce besoin qui a déjà si malheureusement dirigé ta vie que je voudrais te prévenir. Tu as, de par la nature, tout ce qu'il faut pour réussir. Réussis tout bêtement sans te dire d'avance « je réussirai par ceci et par cela ». Ne t'embarrasse point de système qui gênerait ta marche au lieu de l'aider. Mais le vent d'est souffle dans sa trompe, je vais être mouillé comme un sergent de ville, adieu. Toi-même, regagne vite ta cage. La blâmes-tu aussi, ma cage? Y vois-tu un système? Oui, un bon. Tu t'enfermes pour être heureux? J'approuve ce système cellulaire appliqué à l'art et à l'amour. Seulement, tu sais que tes amis commencent à murmurer. Ayant Armande à ton bras, tu en as rencontré plusieurs et tu as détourné la tête pour ne point les aborder. Ils sont furieux. Les plus charitables disent que ta femme est stupide et que tu n'oses la faire connaître. Les autres que tu n'es point marié et que tu as séduit ta sœur. Laisse-les crier. Quand tu seras pour faire jouer Imogène, tu leur donneras 2 ou 3 bonnes pâtées, et avant qu'ils n'aient essuyé leur bouche, ton succès sera enlevé. Maurice, comme tous ceux qui croient beaucoup en eux, avait un immense besoin d'approbation. C'était une excuse pour son orgueil, une consécration pour son sentiment intérieur. Les éloges et les conseils de Martel fouettèrent son activité. Ils eurent alors dans leur vie un moment d'une enivrante douceur. Leur cœur chantait à l'unisson et jouissant du présent, confiant dans l'avenir, ingénieux à se rendre heureux, attentif à se faire 1000 surprises, ils cherchèrent à se payer en bonheur ce que mutuellement l'un pour l'autre ils ressentaient de reconnaissance. Dans ce ciel si parfaitement radieux, un point noir se montra bientôt. Armande se sentit souffrante. Sans être positivement malade, elle éprouva des dérangements dans l'appétit, des lassitudes, des étouffements, des douleurs de dents, des maux de gorge. M. Michon, sans se montrer bien effrayé de ses symptômes, répondit qu'on consulta Carbonneau. « Eh bien, fit celui-ci lorsque Maurice lui eut expliqué ses craintes, pourquoi cette mine peureuse? Je crois qu'au lieu de vous désoler, il faut vous réjouir. Si vous avez souhaité un enfant, vos souhaits me paraissent accomplis. J'irai chez vous demain. » Et me prononcerait formellement. Il vint. L'examen justifia les espérances qu'il avait données. Armande était enceinte. Cette nouvelle causa à Maurice des frémissements d'orgueil, à Armande un étonnement douloureux. Elle avait toujours aimé les enfants, et songeant avec Maurice au moment où elle serait mère, elle avait cru qu'alors elle ressentirait une secousse profonde, un envahissement délicieux, un dédoublement de son être. Quelle fut sa surprise de ne ressentir qu'une inquiétude vague. À la déclaration de Carbonneau, son cœur s'était empli de joie. Lorsqu'elle s'interrogea, lorsqu'elle chercha en elle un changement, quelque chose de réel, le corps, pour ainsi dire, de cette joie qui s'était sitôt évaporée, rien ne se leva, rien ne répondit. Dans sa tête, il y avait une tendresse confuse toute d'avenir. Dans ses entrailles, il n'y avait rien. Elle crut que Carbonneau s'était trompé. Mais ses velléités de révolte ne purent pas tenir contre l'évidence. Et Maurice, qui était si heureux, il était donc moins égoïste qu'elle. Le remords l'a pris de se trouver si peu mère. Elle se mit à s'étudier, à s'observer, honteuse d'elle-même. Elle avait d'ailleurs l'espérance que cette explosion, elle la sentirait au moins en même temps que les mouvements de son enfant. Avant d'en arriver là, elle eut à supporter les fatigues d'une grossesse douloureuse, des nausées, des syncopes, et surtout une perversion de goût qui, plus que tout le reste, la désola. Un jour, passant avec Maurice dans une petite ruelle, elle vit une femme et une petite fille qui vendaient des légumes sous un mauvais parapluie de toile peinte fichée entre deux pavés. La femme était vieille et repoussante, la petite fille était louche, barbouillée, mal peignée, sale et malingre. Les légumes, par un jour de pluie, avaient traîné sur le carreau des halles. « Il y a des pauvres gens qui pourtant mangeront ça, » dit Maurice, en lui montrant cet amas ignoble de choses sans nom. Elle détourna les yeux, une odeur de chou pourri l'avait prise à la gorge et son cœur se soulevait. Quelques heures après, l'image de cette petite fille lui revint attrayante. Avec délice, elle se rappela des petits tas de pommes meurtries, quoique vertes, empilées sur une planche à côté de morceaux de fromage. Elle en rêva. Le lendemain, en cachette, il y courut. Elle prit la petite fille dans ses bras, l'embrassa, lui fit mille caresses, et ayant empli sa poche de pommes, elle s'en revint, les dévorant en pleines dents. Pendant un mois, ce fut tous les jours ainsi. Elle était honteuse, mais elle ne pouvait résister. Chaque soir, elle promettait à Maurice de ne plus revoir son petit monstre, et chaque matin, elle ne pensait qu'à s'échapper. Sans l'horreur qu'il éprouvait pour cet avorton, elle l'eût amené et installé chez elle. Le moment qu'elle attendait si impatiemment arriva. Elle sentit son enfant, mais ce fut seulement trois jours après, et sur les explications de Carbonneau, qu'elle comprit que cette sensation, comparée par elle-même à celle qu'eût produite la patte d'une araignée, c'était là les mouvements de son enfant pour la première fois manifestant sa vie. Il ne lui resta plus qu'un espoir, la délivrance. De nouveau, elle attendit. Plus doucement, cette fois, cependant, car dans son cœur, l'idée d'enfant avait déjà pris corps. Ce qu'elle éprouvait, ce n'était point cette passion qui transporte les montagnes, c'était une curiosité émue, un sentiment de tendresse qui l'enveloppait tout entière. Elle le voyait, ce serait un fils. Il aurait des cheveux, il serait noir. Elle embrasserait ses petits pieds roses. Maurice était loin de deviner ce qui se passait en elle. Plus d'une fois, il s'était inquiété de sa tristesse, mais il l'avait attribuée à son état de souffrance sans jamais en soupçonner la vraie cause. Il était d'ailleurs si doucement ému lorsqu'il la regardait venir à lui, à pas brisés, les genoux fléchissants, s'appuyant aux objets et aux meubles qu'elle rencontrait sur son passage, qu'il ne voyait et ne cherchait rien au-delà. Alanguie et pâlie, elle avait une grâce qui le pénétrait. Et le soir, lorsqu'il la contemplait dans ses vêtements amples à la taille, étendus, faibles et courbaturés, les yeux ardents, les paupières bistrées, même belle de cette beauté que donne la plénitude des contours, saisie d'admiration, les yeux mouillés de larmes, il se mettait à genoux devant elle et restait longtemps sans rien dire, perdu dans une grave admiration, dans une inexprimable gratitude. Pour être toujours près d'elle, il ne travaillait plus que quelques heures le matin, et comme, par le seul fait de la grossesse, toutes leurs habitudes avaient été changées, il la forçait à rester assez tard au lit. Puis, le déjeuner fini, il la forçait aussi à marcher et à sortir. La saison commença à être moins mauvaise. Il y avait de belles journées. Le gazon verdissait. Les bourgeons des plantes printanières se gonflaient de sève. On voyait sous les feuilles desséchées de l'année précédente fleurir les violettes, les primevères, les pervenches. Des papillons mauves se montraient quelquefois. Les lilas déplissaient timidement leurs feuilles. Les marronniers enduisaient leurs écailles d'une résine visqueuse et parfumée. Elle s'appuyait sur son bras et à petits pas, ils se promenaient dans le jardin. Ils écoutaient les oiseaux qui s'essayaient à chanter. Ils regardaient les plantes qui revenaient à la vie. Ils suivaient les insectes qui abandonnaient leur abri et cherchaient quelques murailles, quelques pierres chaudement exposées. Quand elle se croyait vaillante et forte, il gagnait, par les Champs-Élysées, les Tuileries. Entre le château et les beaux quinconces de marronniers, il était une allée où, au milieu des cordes, des balles et des cerceaux, courent, s'agitent et crient tout un monde d'enfants. Des deux côtés, contre les grilles qui ferment les parterres, s'alignent bonnes et nourrices. Normandes aux bonnets échafaudés sur des carcasses de carton, bourguignonnes rondelettes et sanguines, picardes à l'épaisse encolure, mulâtresses aux foulards voyants. Les mères causent entre elles, et les jeunes se livrent orgueilleusement aux soins de la maternité qui sont élégants. C'était là qu'ils venaient s'asseoir. Elle s'intéressait aux jeux de ses enfants, elle étudiait leurs attitudes, leurs bégaiements, elle regardait les nourrices emmailloter les marmots et apprenait ainsi à être mère. Rentrée chez elle, elle s'amusait à tailler et à coudre la layette. « Comment ? » disait-elle, montrant à Maurice un petit béguin de toile. « Il aura la tête si grosse que ça. Il ou elle ? Il, je veux un garçon. » Ce fut pour elle un grand plaisir que ce travail. Sa pensée, toujours tendue sur le même sujet, avait fini par s'en imprégner si fortement que ce qui avait été d'abord purement imaginatif était devenu presque matériel. Sous les chemises brassières qu'elle cousait, il y avait pour elle une petite poitrine blanche et potelée, et elle les piquait doucement, presque avec précaution, comme si, sous la toile, l'aiguille allait érafler la chair. Maurice, ordinairement, restait auprès d'elle. À mesure que le temps s'écoulait, elle lui devenait plus chère. Mais à mesure aussi, elle, il était saisi d'inquiétude et d'appréhension. Elle allait, sans qu'il pût la défendre ou la secourir, tomber sous l'inflexible puissance de la fatalité, mystère terrible qui le pénétrait de crainte et d'attendrissement. Il voulut le sonder, par l'étude et la pensée, le souffrir lui-même. Il demanda à Carbonneau les ouvrages qui pouvaient l'éclairer, et il se plongea dans les atlas de Jacob, de Coste, dans les livres de Bodloc, de Velpeau. M. Michon avait longtemps hésité s'il ne ferait point venir ses enfants à Plorac. La crainte que le souvenir d'Audrenne, au pays même où il était mort, ne frappât trop vivement Armande, la crainte aussi de n'avoir point pour le seconder un médecin habile et sûr, l'avait fait renoncer à ce projet. Il préféra venir à Paris, où il arriva un mois avant le terme prévu. Maurice, tous les deux jours, lui avait envoyé un journal de la santé d'Armande, et à l'avance, sur ses indications, toutes les précautions avaient été prises, toutes les questions résolues, à l'exception d'une seule cependant à laquelle il attachait une haute importance, celle de l'allaitement, qu'il voulait traiter de vive voix et décider après examen. Le lendemain, il l'aborda. « Voyons, mes enfants, que décidez-vous pour l'allaitement de l'enfant ? Toi, Armande ? Le nourrir moi-même. Toi, Maurice, qu'elle le nourrisse. Et toi, grand-père ? » demanda Armande. « Que tu le nourrisses, parbleu. Mais ce que nous désirons tous ne doit pas être décidé à la légère. Une femme qui allait est bien peu femme, mon cher Maurice. Il faut que tu le saches, c'est une mère. Aimes-tu assez Armande pour la prêter 15 mois à ton enfant, ou plutôt, ne l'aimes-tu pas trop? Tu acceptes ce sacrifice, tu te sens la force de n'être jamais jaloux de la chère créature, de ne point te dépiter contre elle, c'est parfait. C'est un point de couler à fond. Un autre. Une femme qui allait à Paris n'en souffre pas trop, mais par des causes trop longues à vous expliquer, son enfant s'en trouve mal. Il subit 1000 influences débilitantes et devient un vrai Parisien. Or, si le Parisien est doué d'une remarquable intelligence, vous conviendrez qu'il est par contre affligé d'une pauvre complexion nerveuse, irritable. L'allaitement a besoin de se faire à la campagne. Voudrez-vous, pourrez-vous passer 6 ou 8 mois à Plorac ? Armande et Maurice se regardèrent assez longtemps, puis, d'une même voix, nous les passerons. Tout est pour le mieux. Le dernier point, nous le déciderons plus tard, suivant l'état de la mère. Il sera toujours temps, puisque ni vous ni moi ne voulons de nourrice. Le moment décisif arriva. Un soir, quelques heures après le dîner, Armande se plaignit de frissons. Depuis 2 jours, elle ne sentait plus son enfant. « Cours vite chez Carbonneau, » dit M. Michon, « amène-le. » Une demi-heure après, la rampe de l'escalier résonna dans la maison silencieuse. C'était Maurice qui s'élançait de 4 en 4 marches. Il était seul. Carbonneau, sorti, ne rentrerait que dans 1 heure. Ce retard était sans importance. Le claquement de dents était passé. Seul le frisson subsistait encore. Il tenait à une cause plutôt morale que physique, la peur. En ressentant la première douleur, en voyant surtout l'émotion de son grand-père et de son mari, Armande avait été saisie d'une frayeur vague, d'un anéantissement de volonté. « Ce n'est pas pour aujourd'hui, n'est-ce pas, grand-père » disait-elle. M. Michon et Maurice, tout aussi tremblants qu'elle, essayaient de la rassurer quand Carbonneau entra. « Nous y voilà donc, » dit-il avec une douce bonhomie. « Allons, ne nous effrayons pas, ce n'est pas si terrible que diable. » Puis s'adressant à M. Michon, « Tous les préparatifs sont faits, n'est-ce pas, maître ? Ah oui, je vois. Maintenant, voulez-vous me laisser seul avec ma gentille malade, qui n'est pas bien malade ?» Comme Maurice ne paraissait point disposé à sortir, « Suivez grand-père, mon cher ami, vous n'avez que faire ici. »« N'aie pas peur, ma petite Armande, » dit M. Michon en l'embrassant. « Un médecin, ce n'est pas un homme, il sera bien doux pour toi. » Ils sortirent tous deux et allèrent dans un petit salon qui joignait immédiatement la chambre. « Carbonneau a raison, » disait M. Michon. « Nous serions une cause d'embarras pour lui. »« Il est vrai que moi je pourrais l'aider, mais ma présence gênerait et paralyserait Armande, la tienne, l'effraierait, car bien sûr, tu ne conserverais pas ton sang-froid. Il vaut mieux qu'il soit seul. » Ici, un cri, partant de la chambre, les interrompit brusquement. Presque aussitôt, Carbonneau vint les rejoindre. « C'est bien pour aujourd'hui, mais nous avons encore le temps. » « Pauvre père, quelle mine vous avez! Et vous, jeune mari? Heureusement que je ne vous ai pas près de moi, elle se croirait morte. Vous me ferez le plaisir, quand elle viendra par ici, d'avaler votre émotion et de lui montrer un visage souriant. Je vais distraire son esprit inquiet et lui voler le temps en la priant de m'aider dans tous nos préparatifs. Pour vous, cher maître, veuillez vous occuper de ceux qu'elle ne doit pas voir. » On était au milieu de la nuit. Le silence avait succédé au bruit du jour. Le ciel était étoilé et il ne faisait pas un souffle de vent. Sur la table à laquelle M. Michon et Maurice s'accoudaient était posée une lampe. Ils restèrent là, immobiles, suant d'inaction et d'impatience, écoutant malgré eux les bruits qui venaient de la chambre, se levant, marchant, s'arrêtant à la fenêtre, se collant à la vitre et regardant sans les voir les silhouettes dures et noires des arbres du jardin. Pour s'arracher aux angoisses qui les étouffaient, pour ne pas écouter, pour ne pas entendre, M. Michon racontait à Maurice les accouchements heureux qu'il se rappelait. Mais en cherchant à le rassurer ainsi, il lui venait de tristes et lugubres souvenirs. Il se gardait bien de les communiquer. Il ne l'en oppressait que plus vivement, et quand un gémissement, un cri plus fort que les autres, venait les soulever sur leur chaise, ils se regardaient tous deux pâles et frémissants. De temps en temps, Marie-Ange entrait sous prétexte d'arranger le berceau, de disposer les dernières pièces de la layette, en réalité pour savoir des nouvelles de sa maîtresse. 20 fois par heure, Maurice se levait et allait à la porte de la chambre. « Je vais appeler M. Carbonneau, » disait-il. « Non, il ne faut pas le déranger, vois-tu. » Et M. Michon se mettait à lui faire des discours sur le rôle du médecin, sur le calme, la tranquillité qu'il fallait lui laisser. Bientôt, il était le premier à ne pouvoir se retenir et frappant discrètement deux petits coups à la porte. « Carbonneau ! Carbonneau !» disait-il d'une voix qu'il tentait de rendre assurée. Carbonneau paraissait. Il l'interrogeait, et sous des termes scientifiques, il essayait de dissimuler les mots rapides et tendres qui lui montaient du cœur. Carbonneau ne s'y trompait pas. Avec des détails techniques, il le rassurait, surtout avec de douces paroles. Souvent même, de son propre mouvement, dans des intervalles de repos ou même de sommeil, il venait leur rendre compte de ce qui se passait. Il restait dans le cadre de la porte, et s'appuyant contre le chambranle, il était en même temps dans la chambre et dans le salon. Il produisait, ainsi posé, éclairé par la lumière de la lampe et du feu, un effet presque fantastique. Il avait ôté son habit, et il l'avait remplacé par un grand tablier blanc qui augmentait encore sa haute stature. Avec cela, plein d'aisance, d'assurance, si bien maître de lui qu'il paraissait maître aussi de la nature. Lorsqu'il les voyait trop anxieux et que les circonstances le permettaient, « Allons, disait-il, je vais vous l'amener, pas de sensibilité, rien qui l'inquiète ou l'abatte. » Il l'enlaçait dans son bras et doucement il l'amenait. Comme elle était pâle, brisée, échevelée, se soutenant à peine, « Oh, grand-père, grand-père » murmura-t-elle. Vers 3 heures, un coup de sonnette résolu ébranla la maison. C'était le secrétaire de Carbonneau qui accourait le chercher. La princesse de Coy, une de ses plus riches patientes, venait d'être prise des douleurs de l'enfantement. Elle le voulait, elle ne voulait que lui. Mais lui, « Vous direz à la princesse que Carbonneau paye une dette de cœur, et que si elle veut absolument être accouchée par lui, elle l'attendra demain. » Bientôt la lumière de la lampe pâlit et les vitres blanchirent. C'était le jour. Une teinte rouge montait au ciel. Dans le jardin, les oiseaux commencèrent à chanter. À ce moment, Carbonneau revint dans le cabinet de travail où M. Michon et Maurice étaient, frissonnant du froid du matin, livides des tourments de la nuit. « Je voudrais bien une tasse de café au lait, dit-il, ou plutôt deux, une solide pour moi, une légère pour ma petite patiente. Elle croit qu'elle a éprouvé toutes les souffrances. Elle va bientôt voir qu'il lui en reste de nouvelles. Il faut qu'elle prenne des forces. » On apporta le café. Armande était dans un moment de calme. Carbonneau permit qu'on vînt près d'elle. Elle était sur ce petit lit que les médecins ont si justement nommé « lit de misère ».« Là, dit Carbonneau, nous allons faire tous les deux une petite dînette. » Comme M. Michon et Maurice, après l'avoir réconfortée, allaient la quitter. « Maurice » fit-elle doucement. Il revint près d'elle. « Embrasse-moi » dit-elle. Carbonneau ne les avait pas trompés. Il lui restait de nouvelles souffrances à connaître. Ils s'en aperçurent bientôt aux cris et aux gémissements qui devinrent plus violents. Au milieu d'une de ces crises, Martel se présenta. Il ne savait rien de l'accouchement, mais comme la veille on le prévoyait proche, il venait voir. Monsieur Michon et Maurice n'avaient pas de mots pour se dire leurs angoisses. Ils se parlaient par signes. Parfois ils se prenaient la main, et tant que se prolongeait le cri, ils se la serraient à faire mal comme pour s'encourager. Les cris ne furent plus des cris, ce fut un râlement. Puis il y eut un nouveau cri, aigu, déchirant, et qui n'avait rien d'humain. Puis ils entendirent un petit vagissement pareil au miaulement d'un chat. Puis, presque en même temps, la voix de Carbonneau qui criait « Entrez !» D'un bond, ils furent dans la chambre. « Une fille !» dit Carbonneau, la levant dans ses bras. « À vous l'enfant, maître !» Il le donna à M. Michon. Maurice était approché d'Armande. « Ne lui dites rien, ne la troublez pas !» continua Carbonneau. Sur son petit lit, elle était allongée. Ses membres tressautaient, ses dents claquaient. Dans ses paupières mi-closes, on ne voyait que le blanc de ses yeux. Sur son visage coulaient des pleurs. Après cette terrible crise, elle dormit 8 heures sans s'éveiller. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, la nuit s'était faite de nouveau. Une lampe, la lumière basse, brûlait sur la cheminée. Elle regarda quelques instants, sans voir, sans comprendre, ne se reconnaissant pas elle-même, mais rencontrant une main qui se posait sur le drap. « C'est toi, dit-elle, et notre enfant. Il est là, il dort. Et grand-père, il est couché, il était brisé de fatigue, je l'ai forcé à prendre du repos. Et toi, tu as voulu me veiller, comme j'ai souffert. Tu m'entendais, comme tu as dû souffrir aussi. » Puis, changeant de sujet et revenant à celui qui la préoccupait le plus tendrement, « Ça ne lui fera pas de mal de la réveiller, apporte-la-moi. » Il résista un peu, mais il finit bientôt par aller chercher l'enfant qui dormait dans son petit berceau rose et blanc. « Embrasse-la donc, si tu voulais. Quoi, je lui donnerai le sein. » Il voulut prouver que c'était peut-être une imprudence, mais comment? Elle l'avait approché de son sein, et la petite créature de ses lèvres et de ses mains s'y était attachée. Elle tétait. Ce fut la secousse qu'Armande avait si longtemps attendue, l'explosion de la maternité. Sa joie fut si envahissante qu'elle ne put retenir un cri, cri de triomphe et de bonheur, cette fois, qui, de sa gorge déchirée, s'échappa éclatant. À ce cri, M. Michon, qui était dans la pièce voisine et ne dormait pas, accourut. Mais sur le seuil de la porte, il s'arrêta. Armande serrait son enfant contre elle. Maurice les tenait toutes deux dans ses bras. Il les regarda un moment, confondus dans une même étreinte. Puis, faisant quelques pas dans la chambre, « Eh bien, dit-il, et votre vieux père ?